Les chasseurs de nazis. Chapitre 1. Naissance d'une vocation. Quatrième épisode. Nous voici maintenant à Washington pour rencontrer Eli Rosenbaum. Il est procureur au sein d'une section du ministère de la Justice. Une section qui a succédé en 2010 à l'Office of Special Investigation créé en 1979 pour traquer les criminels nazis sur le sol américain. Avec sa moustache à la Clark Gable et sa voix de commentateur sportif, Eli Rosenbaum aurait pu tenir les premiers rôles dans un remake des Incorruptibles. J'ai grandi dans la région de New York. Dans une maison où l'on ne parlait pas du tout de la Shoah. À l'évidence, c'était un sujet trop douloureux pour mes parents, pour qu'ils en parlent. Et pourtant, même dans les années 60, on entendait parler de la Shoah. À mon école publique, on avait lu le journal d'Anne Frank. Et puis quand j'ai eu 12, 13 ans, je zappais à la télévision. Je ne connaissais pas les programmes. C'était un dimanche après-midi. Et je suis tombé sur ce qui s'est avéré être une dramatisation du procès d'Auschwitz qui avait été mené à Francfort sur le Main, en Allemagne de l'Ouest, de 1963 à 1965. Allez-vous participer aux exécutions ? Ce que regarde Eli Rosenbaum à la télévision, c'est la version anglaise d'une pièce intitulée « L'instruction » écrite par le dramaturge allemand Peter Weiss au moment des procès d'Auschwitz. On avait fait la paix, on avait réglé les formalités, on les avait conduits dans la cour un par un, on était déjà près de la fin. Alors, Grabner a dit « c'est Stark qui va terminer ». Jusque-là, c'était les autres chefs de bloc qui avaient tiré à tour de rôle. Vous en avez fusillé combien ? Ça, je ne sais plus. Vous n'avez pas protesté quand on vous a désigné ? C'était un ordre, j'étais soldat ! Au début, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je me suis rendu compte, je m'en souviens, que c'était le procès d'un criminel de guerre nazi, mis en scène, en fait, de plusieurs criminels de guerre nazi. Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les camps de concentration. Et j'ai donc été choqué lorsqu'une actrice qui jouait le rôle d'une survivante a témoigné quand elle a dit qu'elle avait été soumise à d'horribles expériences médicales, des atrocités médicales. Par la suite, 2 ans plus tard, j'ai eu une autre expérience avec mon père, qui était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions en voiture pendant une tempête de neige. Il me racontait des histoires sur son service militaire pendant la guerre et l'occupation de l'Allemagne. C'était très intéressant. Et soudain, il m'a dit: j'étais envoyé au camp de concentration de Dachau par mon officier le jour d'après la libération du camp. J'avais entendu parler de Dachau. C'est le camp de concentration dont la plupart des Américains ont entendu parler. J'ai dit: ah oui? Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Mon père et moi, nous regardions fixement la route parce que c'est dangereux de conduire pendant ces grosses chutes de neige. Et je me suis rendu compte que je n'entendais plus mon père. Alors j'ai regardé à ma gauche, et voilà, mon père, la bouche ouverte, qui tentait de parler, et ses yeux étaient noyés de larmes. Il avait la gorge complètement nouée, il ne pouvait plus parler. Maintenant, je sais ce que les gens de l'armée américaine ont vu quelques jours après la libération, des gens qui continuaient à mourir, et des cadavres empilés comme des bûches. Mon père a vécu ensuite plusieurs décennies, mais nous n'avons plus jamais évoqué ce sujet. Je savais dès l'âge de 14 ans au moins, en ayant vu mon père pleurer pour la première fois de ma vie. Vous savez, les hommes de cette génération ne vous laissaient pas les voir pleurer. à quel point le sujet était très important. Et je pense que ces deux expériences m'ont mis sur la voie de ma carrière d'une certaine manière. Quand j'étais étudiant de première année en droit, bien que je m'attendais à aller vers le monde des affaires, peut-être m'occuper du droit des affaires, ce qui était mon environnement avant d'aller à la fac de droit. Je me suis porté volontaire en tant qu'étudiant de première année de droit pour aider le cabinet du procureur local sur un cas de viol, pour faire de la documentation juridique. On nous a instruits sur les détails de l'affaire qui était horrible. Et pour la première fois, je me suis dit, peut-être que j'aimerais être procureur. J'étais très à l'aise d'aider à mettre ce violeur en prison. C'était un de ces scénarios de cauchemar où une femme marchant dans la rue la nuit était entraînée dans un buisson et violée. Et j'ai commencé à lire, juste avant, sur le sujet de criminels de guerre nazis qui se trouvaient en Amérique. J'ai grandi à New York et j'ai connu l'histoire très célèbre de Hermine Braunsteiner Ryan à la fin des années 60. Le New York Times avait commencé à faire des reportages sur d'autres nazis qui étaient apparemment en Amérique au milieu des années 70. Il y a eu le travail pionnier de Ralph Blumenthal. Et puis un journaliste du New York Times a écrit un livre paru à la fin des années 70 intitulé Wanted, avis de recherche, la recherche des nazis en Amérique. Son nom était Howard Bloom. Et donc je commençais à suivre cela du mieux que je pouvais, avant l'ère de l'Internet. Et j'ai lu sur le travail d'Elizabeth Holtzman, j'ai appris qu'ils avaient ouvert ce nouveau bureau. Et je me suis dit, ça serait un super job d'été qui combinerait mon intérêt pour le travail de procureur et ma fascination à promouvoir la justice dans ces affaires-là. Et je me suis proposé pour un stage d'été, et je l'ai eu. Et j'ai été le premier stagiaire d'été dans le tout nouveau bureau du département des enquêtes spéciales. Et j'aime bien dire que toute ma carrière est en fait un stage d'été qui a mal tourné. Ce dont je me souviens de cet été 1979, c'est d'être tombé amoureux, en quelque sorte, du petit groupe de personnes qui travaillaient sur ces affaires. J'étais tellement impressionné par leur ténacité, leur intelligence, leur dévouement à promouvoir la justice, en dépit des obstacles énormes auxquels on devait faire face dans les enquêtes sur ces affaires. J'avais accès à des informations, non pas secrètes, mais à beaucoup d'informations importantes, et j'ai immédiatement vu que ce seraient les plus grandes affaires non résolues, des crimes perpétrés des décennies auparavant. Il s'agissait pour la plupart, disons, des exécutants de la Shoah et d'autres crimes de guerre nazis. Les victimes ne les connaissaient pas par leur nom. Il n'y avait pas beaucoup de traces écrites, documentaires de leur action. Mais on avait aussi quelques criminels de plus haut rang. À la fin de l'été, mon ambition la plus sincère était de revenir un jour, une fois obtenu mon diplôme de droit l'année suivante, si je pouvais avoir la chance de revenir au ministère de la Justice. J'ai candidaté et je suis l'une de ces personnes qui, en fait, ont eu la chance de réaliser leurs ambitions les plus profondes. J'aurais aimé que mon père soit là pour le voir. Je sais qu'il appréciait ce que mes collègues et moi faisions. Je crois qu'il y voyait... Quel est le mot ? Ce n'est pas une ironie, non. Une certaine... Mon père a d'abord combattu dans la 3e division d'infanterie, puis il a servi dans la 7e armée au sein de l'armée d'occupation. Et une de ses fonctions était d'aider à interroger ce qu'on appellerait aujourd'hui des détenus de grande importance. Certains d'entre eux ont été jugés à Nuremberg. Et j'avais déjà vu quelques rapports d'interrogatoires faits par mon père aux archives nationales. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a là une tradition familiale, mais c'est tout comme. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.